De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Après avoir parlé d'ingrédients indésirables comme les résidus de pesticides, nous allons maintenant nous intéresser aux ingrédients d'un repas mémorable. Vous avez peut-être en mémoire un repas qui s'est déroulé il y a longtemps. Peut-être est-ce à cause des aliments, des personnes qui vous accompagnaient ou du contexte du repas. Qu'est-ce qui rend un repas mémorable? C'est ce que Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition, va nous révéler. Bonjour François. Bonjour Karine. Donc, les repas finissent souvent par être oubliés au fil du temps, mais certains d'entre eux sont mémorables et on s'en souvient encore des années plus tard. Donc, il y a des chercheuses en marketing et comportement alimentaire des Pays-Bas, puis aussi de la Nouvelle-Zélande qui se sont intéressées aux repas mémorables. Mmh. Donc, elles ont mené une étude pour documenter les raisons qui font qu'on se souvienne d'un repas de façon positive et aussi comment on se sent émotivement au moment d'un repas que l'on peut qualifier de mémorable. Donc, tout ça, c'est pour mieux comprendre ce qui sous-tend nos choix alimentaires qu'on aura par la suite. Mmh. Parce que ça a une influence. Tout à fait. Et Karine, comment est-ce que les chercheurs ont évaluer ces données? Mais dans une première étude, il y a des questionnaires en ligne qui ont été complétés par 900 adultes britanniques, des hommes, des femmes, qui étaient âgés entre 19 et 70 ans. Donc, différentes questions étaient posées, comme par exemple, quel type de repas vous souvenez-vous spontanément et positivement, donc sans trop réfléchir? Puis ensuite, qu'est-ce qui rend un repas positif mémorable? Et les participants devaient classer par ordre d'importance 9 aspects d'un repas qui avait déjà été documenté dans une étude précédente. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent justement rendre un repas mémorable. Bon, on le sait, on le devine, hein, comme par exemple les aliments et les breuvages, donc la qualité de ceux-ci et les aspects sensoriels aussi. L'endroit où on mange, ça peut être manger dehors, à la maison ou au restaurant. Le contexte, ça, c'est plutôt, il s'agit plutôt de l'ambiance du repas, de l'atmosphère. Et bien sûr, il y a aussi la compagnie. Donc, est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on est avec des personnes spécifiques? C'est qui ces gens-là? Les émotions qu'on ressent durant le repas aussi. Il y a la condition physique, donc comment on se sent physiquement au moment du repas, donc on peut s'en souvenir. Aussi, on a le temps. Ça peut être un moment de l'année. Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est Noël? Ou c'est un moment de la journée? Est-ce que c'est un repas du soir, par exemple? Son anniversaire aussi. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des activités parallèles qui se déroulent en même temps que le repas? Et puis finalement, est-ce que le repas est récurrent? Donc, est-ce que c'est, par exemple, un déjeuner d'amoureux du dimanche matin? Ou c'est un repas qui c'est ça, la fréquence du repas, est-ce que ça revient souvent ou c'est juste une fois, un repas isolé? C'est vrai qu'il y a plein d'aspects dans un repas qu'on en fait, on n'aurait pas tendance à penser automatiquement. Oui, on n'y porte pas attention nécessairement. C'est vrai que plusieurs facteurs peuvent influencer un repas mémorable, mais qu'est-ce que les participants ont jugé le plus important parmi ces facteurs? Mais ça, c'est une surprise. Moi, je pensais qu'on allait parler du plat. Mais c'est la compagnie. Puisqu'on est là pour manger. C'est très important, mais c'est la compagnie. C'est qui nous accompagne. Alors, notre repas favori en mauvaise compagnie, on oublie ça. Ça ne rend pas un repas mémorable. Okay. Donc, la compagnie en premier. Ensuite, c'est les aliments et breuvages. Mm-hmm. Viennent ensuite les émotions ressenties durant le repas. Ah, ben oui. Puis aussi l'endroit. Et finalement, le contexte du repas, donc l'occasion. Les autres facteurs que j'ai mentionnés juste avant sont aussi importants et ont été quand même mentionnés. C'est que les participants devaient les mettre par ordre d'importance, mais ils étaient un petit peu moins importants que ceux-là. Okay. Ouais. Il y avait aussi une deuxième étude dans cette publication, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce sont à nouveau des questionnaires qui ont été complétés. Mais cette fois-ci, les participants devaient rédiger une courte description d'un repas mémorable. Donc, par la suite, les chercheuses ont analysé le contenu pour extraire les mots les plus fréquemment mentionnés par les participants. Et quels étaient ces mots, justement, qu'on retrouvait le plus fréquemment? Donc, les chercheuses mentionnent dans l'étude que, sans surprise pour elles, ce sont les mots « aliments » et repas qui ont été les plus souvent mentionnés dans les descriptions. C'est un peu... normal. Un peu normal, exactement. Et ensuite, ce sont les mots famille, bon, temps, restaurant, ami, cuisson et vin qui sont venus en ordre de fréquence. Donc, ces mots-là suggèrent que le repas mémorable implique la famille et les amis, du bon temps, des aliments cuisinés à la maison, du vin. Et parfois, bon, le repas mémorable a aussi lieu au restaurant, mais c'est principalement à la maison. Mmh. Et les chercheuses ont aussi regroupé les occasions des repas mémorables par thème. Donc, il y a aussi plusieurs thèmes. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être durant les vacances? Oui, ça était parmi les réponses des participants. Il y avait aussi le repas nutritif cuisiné à la maison, mm-hmm. qui revenait souvent, le repas romantique, mm-hmm. le repas traditionnel, ensuite cuisiner une nouvelle recette ou encore cuisiner avec un nouvel ingrédient. Ben oui, c'est vrai. Et il y avait même un repas catastrophique. Catastrophique, OK. Ouais. Mais un repas catastrophique, comment est-ce qu'il peut être? Est-ce qu'il peut être mémorable positivement, à la limite? Oui, ça se peut quand même là, que ce soit positif, dans le sens que ça peut faire rire. Par exemple, il y a un participant qui a écrit, puis ça, c'est traduit là, librement de l'anglais. Donc, nous avions invité des amis du travail et fait cuire un bœuf Wellington. Il était horrible à voir, mais son goût était quand même bon. Et nous en rions encore. Donc, c'est dans ce sens-là que ça peut être positif. Je c'est comprends. Mémorable. Mais, et il y a une autre participante... qui a écrit à propos d'un repas catastrophique, c'est quand j'ai fait cuire mon premier curry pour mon mari. Ce fut un moment inoubliable parce que j'avais trop mis de piment et mon mari essayait de rester sérieux et de prouver que ce n'était pas trop piquant. Mais là, je pense qu'il y avait peut-être des invités. Là. Ensuite, bon, il mangeait tout ce qu'il y avait sur la table et buvait de l'eau. Son visage le rendait lui-même mémorable. Donc, c'est cocasse. Oui, c'est ça. Tu parlais aussi, comme occasion de repas mémorable, le repas romantique. Est-ce que tu as un exemple? Oui. Il y a une participante qui a écrit « Parfois, mon partenaire et moi, nous faisons un pique-nique dans le salon. Mm-hmm. Nous plaçons un tapis sur le sol devant le feu. Nous sortons nos amuse-gueules préférés comme du fromage, des chips, du pain frais, des olives, du bon vin ou de la bière. Puis, nous allumons un feu et nous bavardons jusqu'à tard dans la soirée. » Donc ça, c'est très charmant. Ouais, c'est le repas romantique pour cette participante-là. Et donc ça, c'est des exemples. Et moi, pour comparer les résultats de cette publication scientifique-là, j'ai demandé aux amis de ma page Facebook de nutrition. Selon vous, qu'est-ce qui rend un repas mémorable? Et bon, j'ai indiqué quelques idées là, pour décrire le repas mémorable, comme par exemple le contexte, qui nous accompagne, le repas lui-même et s'il y a présence de vin, par exemple. Mm-hmm. En fait, est-ce que les raisons évoquées sont semblables à celles mentionnées dans l'étude? Bien, tout à fait. C'est intéressant parce que, bon, c'est des contextes tout à fait différents. Là. C'est pas une méthodologie non plus. Là, dans l'étude, c'était des Britanniques. Là, ici, on a affaire à des Québécois, oui, qui veulent bien se prêter au jeu. Donc, ce qui a été mentionné le plus souvent, c'est aussi la compagnie. Okay. Quand j'ai analysé le contenu. Donc, qu'est-ce qui revient? C'est la famille, les amis, des gens qu'on aime, des personnes agréables. Ensuite, pour les aliments et breuvages, bien, ça venait aussi après. Donc, il y en a plusieurs qui ont été nommés. Je peux en nommer peut-être, oui, quelques-uns. Sûr, comme vas-y. C'est l'heure du souper, ben ça peut nous donner faim. Oui. Du homard, des moules, des côtes levées, dégustation de vin et fromage, aussi dégustation de saucisses et bière, du bon rhum, probablement ramené de voyage. Ensuite, d'autres ont écrit que c'est la bonne bouffe. Ça peut être savourer les yeux fermés parce que c'est trop bon. Donc ça, c'est mémorable. Un repas de trois services, le fait d'avoir un dessert, quand ça fait Et bon, les odeurs fantastiques. Et aussi, j'avais les repas typiques de la Colombie pour une personne là, qui est d'origine colombienne. Okay, donc okay. Ça, c'est des bons souvenirs. Autrement, plusieurs personnes ont accordé de l'importance au contexte pour rendre un repas mémorable. Donc là, il y avait prendre le temps de cuisiner, puis aussi des commentaires par rapport à l'atmosphère du repas, la présence de musique, la luminosité un petit peu plus faible, des bonnes discussions. Ça, c'est revenu assez souvent aussi, d'avoir de la compagnie intéressante, oui, pour avoir des bonnes discussions. Ensuite, préparer le repas à plusieurs et aussi, bon, une ambiance qui est relaxe. Donc ça, c'est pas mal dans le top du repas mémorable. Au Québec. Oui, c'est ça. Donc, en résumé, le repas mémorable se déroule presque toujours en bonne compagnie avec des gens qu'on aime, puis avec des plats et breuvages qui sont appréciés finalement. Exactement. Puis un repas mémorable, lorsqu'un repas mémorable, ben, en fait, c'est associé au plaisir, donc on risque de vouloir le reproduire. Donc, ce type d'étude-là, ça sert à documenter justement cette association-là entre le plaisir qu'on peut ressentir, qu'est-ce qui justifie ça. Donc, ça, on sait que ça peut influencer là, les choix alimentaires qu'on va avoir par la suite parce qu'on va tenter de reproduire ce repas-là qu'on aime. Mm-hmm. Donc, ça nous permet une meilleure compréhension du plaisir alimentaire. Puis de l'importance aussi des personnes avec qui on partage nos repas parce qu'on s'attarde beaucoup aux aliments qu'on mange, les quantités qu'on mange, mais c'est rare hein, qu'on entend parler des gens qui nous accompagnent alors que c'est une dimension agréable du repas. Oui, puis ça semble être la première même. Ben oui, c'est ça, c'est très important. Alors moi, je pense qu'on devrait en parler plus souvent. Alors, ben voilà, pour terminer, ben je remercie les amis là, de la page Facebook qui ont gentiment contribué à cette chronique-là en rendant public le repas mémorable. Alors, merci beaucoup, Karine, pour nous avoir expliqué ça. Pour en savoir davantage sur la nutrition, ben, les comportements alimentaires et pour écouter tes chroniques précédentes, on peut évidemment visiter ton site web, karinegravel.com. Voilà, merci. Merci.